Alléluia, Dieu tout-puissant, nous te louons, te remercions. Alléluia, Dieu tout-puissant, nous t'adorerons à jamais. Christ est apparu au dernier alléluia, jour. Alléluia. Ses paroles nous jugent et purs et guident. Alléluia, alléluia. Il a changé mon cœur par ses paroles. Alléluia, alléluia. Il m'a donné une vie nouvelle pour l'adorer. Alléluia, alléluia. Comprendre la vérité est merveilleux. Alléluia, alléluia. Je rejette ma corruption, je me sens alléluia, libre. Alléluia. Mes fausses conceptions ont disparu. Alléluia, alléluia. Il n'y a plus de rébellion en moi. Plus jamais d'errance, plus jamais de souffrance. Mon esprit est libéré et je chante pour louer Dieu. Je chante pour louer Dieu. Une vie lumineuse m'attend. Alléluia, alléluia. Dieu me dit de savourer son amour. Alléluia, alléluia. J'ai goûté d'un amour si doux. Alléluia. Je ne peux plus jamais le quitter. Alléluia, alléluia. Frères et sœurs, rassemblons-nous. Alléluia, alléluia. Côte à côte, ensemble comme un seul. Alléluia, alléluia. D'un seul cœur, d'un seul esprit. Alléluia, alléluia. Nous le servons, chantons ses louanges. Alléluia, alléluia. Qui ne peut dire sa pensée, qui ne peut dire son amour. Tu danses et tu rends gloire à Dieu. Je frappe des mains avec toi. Je frappe des mains avec toi. Nos chansons remplies d'amour pour Dieu. Nous sommes renouvelés par Dieu Tout-Puissant. Nos vies anciennes ne sont plus. Un temps merveilleux est à nous. En communion, la vérité nous libère. Témoignant et faisant notre devoir. Et d'une telle joie, une vie brillante nous appelle. Le peuple de Dieu jouit d'une vie nouvelle. Nous brisons les liens de ce monde. Nous brisons les attaches de famille. Briser les entraves de la chair.